Chapitre 126 Sans nouvelles. Le Québec joue dans un jour contre la Sicile et attend de pied ferme ses deux attaquants vedettes. Les deux Québécois appartiennent à la franchise des Super Eagles d'Atlanta. Ils étaient présents, non loin de la Normandie, avec les SEA. La franchise américaine participait à une rencontre de promotion européenne face aux YNWA Reds. Après leur victoire, 2-1, les Caribous prenaient la route afin de relier Saint-Germain-de-Boscherville. Au départ de Liverpool, en Chevrolet Equinox 6, les deux buteurs ont posté un message sur leur compte Twitter. La délégation québécoise peut se préparer à accueillir les deux retardataires. Même si les Super Eagles les ont retenus, la Fédération québécoise a insisté pour qu'ils viennent au match de préparation. Ils devraient être un peu cuits après leur match, et surtout les 7 heures de route entre les villes liverpooliennes et boschervillaises. Mais l'important est de compter l'intégralité de l'effectif qui participera au prochain mondial. Conscients de leur futur état de forme, Killer Crush 23 prévoit de les faire rentrer lors de la dernière demi-heure de jeu, soit 10 heures après leur arrivée en Normandie. Cette décision a été quelque peu contestée, mais les dirigeants du Québec ne sont pas novices et savent ce qu'ils font. Néanmoins, l'échauffement d'avant-match commencera dans 1 heure, et nous n'avons aucune nouvelle des deux motards. Même s'il y avait beaucoup de monde sur la route, leur absence de message n'est pas compréhensible. Une chose est sûre, même s'ils arrivaient à l'instant, ils ne pourraient pas participer au match contre la Sicile. Les dirigeants québécois sont entrés en contact avec la franchise des Super Eagles d'Atlanta afin de voir s'ils en savent plus qu'eux. Au dernier signal GPS datant de 15 minutes, les deux attaquants se trouvaient à Neuchâtel-en-Bray, soit 45 minutes du stade. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Le match débute dans 10 minutes et toujours aucune trace d'eux. Les autres joueurs sont dans le couloir, prêts à entrer sur la pelouse. Ils sont inquiets. Killer Crush 23, Romain et Caribou 123 ne sont pas présents. Totov 76 est en train de discuter avec l'arbitre de la rencontre et un représentant de la délégation sicilienne. Suite à cette conversation, le nouveau président de cette sélection demande à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Il a le visage fermé. Dès leur entrée au vestiaire, il trouve Caribou 123 assis, tête baissée. Killer Crush a du mal à ne montrer aucune émotion. C'est Romain qui va prendre la parole. On sent déjà quelques sanglots dans sa voix. Qu'a-t-il à annoncer aux joueurs? Chapitre 127 Seul au monde. Les joueurs savent qu'une effroyable nouvelle devait arriver, mais à quel degré de gravité? À voir les visages des dirigeants, l'annonce va être monstrueuse. Romanon prend son courage à deux mains et demande à tout le monde d'être attentif. Il annonce à ses auditeurs que les deux attaquants ne viendront pas et ne participeront pas à la rencontre face à la Sicile. Ils ne participeront pas non plus au Mondial. Pour cause, ils ont eu un accident de voiture à Neuchâtel-en-Bray. Leur voiture a fait des tonneaux. Ils sont morts sur le coup. Le silence est abominable dans les vestiaires québécois. Tout le monde est choqué. Le Québec est bien plus qu'une sélection de football, c'est une famille. Deux membres ont disparu, et c'est le collectif qui souffre. Après les péripéties des commissions, le Québec connaît un autre accroc dans leur préparation au Mondial 2056. À croire que le destin leur montre qu'il ne veut pas voir le Québec dans cette compétition. Après l'annonce, Caribou 123 se lève et s'adresse à ses coéquipiers. Il a le visage marqué par les flots de larmes. Il leur propose de garder en mémoire les deux frères de football. Pour Caribou 123, il ne faut pas se laisser abattre et avancer pour eux. Il chausse les crampons et prend le maillot floqué au numéro 9, d'habitude porté par l'un des deux accidentés. Le franco-québécois rejoint la porte des vestiaires et va en direction du terrain. Il entre dans le stade et voit les joueurs siciliens s'entraîner. Ceux-ci sont au courant et vont directement aux nouvelles. Cependant, l'information n'est pas encore arrivée aux oreilles des supporters présents dans l'enceinte normande. Caribou 123 est déterminé, il prend un micro et prévient l'assemblée. C'est le choc. Malgré cela, le capitaine veut que la rencontre ait lieu, mais il ne sait pas si les autres sont en état de jouer au football. L'arbitre explique à Caribou 123 que pour déclarer le match gagné à la Sicile, car il n'y a pas assez de joueurs, il doit le constater au coup de sifflet. Les opérations habituelles vont avoir lieu, hymnes nationaux, choix des côtés, etc. Caribou 123 sera donc pendant ce temps seul sur la pelouse. L'hymne national sicilien est passé et c'est au tour de Jean du Pays de retentir. Les paroles du désormais célèbre hymne québécois prennent un sens. Caribou 123 est seul, main sur le cœur, à chanter. Le temps qu'on a pris pour se dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte soi-même, au beau jardin qui court. Le refrain est simple. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Dès l'énoncé de ces paroles, le reste de l'équipe québécoise entre sur la pelouse. Ils prennent place aux côtés de Caribou. Un grand moment d'émotion. Il n'est plus seul pour entonner ce magnifique refrain. Les gens du pays restent soudés, même dans les coups durs de la vie. C'est leur tour de parler d'amour, du ballon rond. Malgré l'absence de deux membres de la famille québécoise, le spectacle doit continuer. Chapitre 128. Tout va mal. Le début de match est très mou côté sicilien. Ils ont un peu pitié de leurs adversaires, mais Caribou 123 fait comprendre qu'ils ne sont pas là pour pleurer et leur demande de jouer normalement. Les gens du pays haussent le ton et marquent le premier but. Après cette réalisation, le match est tout autre. La Sicile pratique un nouveau football. Ils montrent qu'ils ne sont pas des partenaires d'entraînement. Très rapidement, la Sicile reprend un bel avantage en marquant 4 buts en 8 minutes. Le Québec est sonné et doit se réveiller pour la mémoire de ses 2 défunts attaquants. Ce réveil devra se faire en seconde période. Contrairement au Québec, la Sicile dispose d'un effectif de 16 joueurs et peut faire tourner. Les Caribous n'ont que 14 joueurs, dont 3 sur le banc de touche, et doit économiser ses jokers. Le moral est au plus bas. Anéantis par l'absence de leurs 2 attaquants vedettes, menés au score par une équipe, d'habitude inoffensive, les joueurs sont sur les rotules et pensent même à abandonner. Caribou 123 veut remotiver les troupes, mais n'y arrive pas. Killer Crush 23 doit montrer qu'il n'a pas été recruté pour rien. Il pousse un coup de gueule mémorable et demande à ses joueurs de se battre, d'être percutants. S'ils ne voulaient pas jouer, il ne fallait pas rejoindre le courageux Caribou 123 durant l'hymne national. Le retour sur la pelouse promet une mi-temps totalement différente. Pour preuve, le Québec revient rapidement à 4-3. Ils ne sont plus qu'à une réalisation de l'égalisation. Kobe se dirige à l'entrée de la surface, lance son pied, mais ne tape pas le ballon. Il a heurté le genou d'un Sicilien. L'impact est énorme. L'os de l'Italien a résisté au pied du Québécois et les 2 joueurs sont touchés. On pense que le joueur le plus en danger est du côté de la Sicile, mais il se relève assez vite, contrairement à Kobe. Celui qui honore ses premières sélections après son imposture se retrouve mal en point. Pendant qu'il sort sur blessure, tout le monde se demande si sa blessure ne va pas être trop grave. Déjà amputé de 2 joueurs, le petit effectif québécois serait réduit à 13 si la blessure de Kobe venait à être grave. Une chose est sûre, la fin de match va être difficile, et le réseau de football québécois va devoir se remettre en marche pour aller dénicher d'autres candidats à la sélection pour le mondial. Les 12 équipes sont obligées de proposer un noyau de minimum 20 joueurs pour le vote des internautes. En cas de forfait de Kobe, la fédération devra recruter 7 nouveaux sélectionnables. Après les dernières péripéties, il est impossible de faire venir des joueurs avec de gros chèques. La réputation québécoise a pris un coup. Chapitre 129. À la recherche du bonheur. La fin du match entre le Québec et la Sicile est accessoire. Durant la dernière demi-heure, les joueurs avaient surtout un œil tourné vers Kobe. Le résultat fut à l'avantage des insulaires italiens, sur un score fleuve, 7-3. La préparation de la sélection québécoise est observée par la planète entière. Les spécialistes se demandent si le Québec a vraiment le niveau pour participer au prochain mondial. Néanmoins, à ce jour, les problèmes des gens du pays sont ailleurs. Ils doivent surmonter la disparition de leurs 2 attaquants vedettes et observer la future absence de Kobe. le mondial ne commençant que dans 3 mois, on peut penser que Kobe pourra se rétablir d'ici là. Mais le staff médical québécois est un petit peu moins optimiste. Pour se préparer à l'absence de l'ancien Arai Karas, les recruteurs partent déjà sur les routes. Avant d'être démasqué, le Québec avait réussi à vivre sans Kobe. Mais ce dernier avait remplacé un Québécois parti à la retraite dès la nomination de la délégation française à la tête de la sélection. Pour bâtir une équipe compétitive, Killer Croche 23 avait fait le tour de la Suisse et avait débusqué 7 pépites qui ont aujourd'hui signé dans les plus grandes franchises mondiales. Un autre recruteur de choix fait partie des rangs québécois. En effet, Totov 76 a déjà fait ses armes dans ce domaine. C'est lui qui est allé jusqu'en Belgique pour faire porter le maillot de l'équipe de France à un certain J. Chabal, nouvelle identité de Fightson. Le Québec compte sur la qualité de persuasion du Normand pour faire venir des nouvelles têtes. Il faut renforcer le secteur offensif pour pouvoir bâtir une équipe capable de battre la Chine et la Belgique dans un premier temps. La mission est confiée à 3 dirigeants, Killer Croche 23, Totov 76 et Romain. Ils doivent regarder tous les matchs se déroulant au pays et observer les rares Québécois évoluant en dehors du pays. Cette dernière tâche ne sera pas difficile, puisqu'un seul sélectionnable ne joue pas au Québec. Le pays n'est pas très grand et 3 secteurs sont découpés. Les enrôleurs seront branchés à toutes les chaînes de streaming légales, diffusant les matchs du pays. Certains se déplaceront en personne pour rencontrer leurs futurs recrues. C'est parti pour une grande opération séduction. Sur le papier, cette mission paraît facile, mais dans les faits, c'est un peu plus pénible. Le niveau des joueurs québécois est très bas et les bonnes occasions sont rares. Le Québec a besoin de minimum 7 joueurs et ils n'ont pas le choix. L'inscription de moins de 20 joueurs pour les suffrages entraînerait une nouvelle exclusion du mondial. Le Québec commence à être habitué. Chapitre 130, l'honneur du maillot. La quête commence et les joueurs potentiels commencent à se faire voir par les recruteurs québécois. L'intégralité des joueurs actuels est francophone ou anglophone. Les 2 langues sont les plus parlées du pays, loin devant l'espagnol, l'italien et l'arabe. Aucun joueur ne parlant ces dernières langues n'a porté le maillot national. Et c'est justement cette particularité qui va faire réagir Killer Croche 23. Il a déjà été confronté à cette problématique avec la Suisse et ses 4 langues parlées au pays. Mais ici, c'est un peu différent. L'ancien coordinateur de la sélection helvète demande à ses collègues de se connecter à un match entre Wendeck et la Donnacona. Il s'agit d'une rencontre de 8e division du championnat canadien, le championnat québécois n'existant pas. Totalement insignifiant pour le commun des mortels, mais Killer Croche 23 a repéré un gros potentiel. Après l'aval de Romain et Totov 76, il décide d'aller à la rencontre du buteur qui lui a tapé dans l'œil. Même s'il ne connaît pas le haut niveau, celui-ci pourrait défendre les couleurs des gens du pays au prochain mondial. Ce qui pourrait clocher est que ce joueur ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol. Il est descendant d'une famille iroquoise de Wendake et parle le Wendat. Considérés comme les pestiférés de Québec, les quelques résistants iroquois n'aiment pas se montrer. C'est pour cela que l'arrivée d'un pratiquant de la langue Wendate en sélection pourrait être très mal vue. Killer Croche 23 le sait très bien, mais pour lui, le football est une langue universelle. Si le buteur iroquois venait à s'imposer et être un membre dont on ne pourra pas se passer dans la sélection des gens de pays, ses détracteurs oublieraient ses origines. Alors que le métissage est de plus en plus courant dans le monde en 2056, le racisme existe encore. Les territoires veulent être indépendants et prônent de plus en plus le patriotisme. La technologie a avancé. Il existe de belles choses en 2056, mais les fléaux tels que le racisme n'ont pas pu être éradiqués. Les supporters québécois pourront-ils passer outre cela et accepter le potentiel futur buteur de la sélection? Autre question. Habitué à l'exclusion, ce Wendette a-t-il envie de se mêler à ceux qui ont chassé sa famille? Veut-il se faire montrer et défendre un territoire qui n'attend qu'une chose? Les chasser et récupérer leurs terres? Killer Croche 23 et le football vont-ils pouvoir faire oublier cela? En attendant, Killer Croche 23 s'envole pour Wendake à la rencontre de son diamant iroquois.